C'est parti, au microphone c'est le phénomène, celui qui met dans les F.O.N. Bref l'homme que l'on nomme F.O.N. J'ai zappé les O.G.M. ramène au rap son D.O.N. et même les F.O.M. Ce flow plus chaud qu'un P.S.G.O.M. Le son de Cern façon homme vidéo, quand les mômes viennent d'en haut. Conne comme au Viet Vodao, le Chiro en dôme d'idéo. Trône partage, dis les go, nique leur bise, dis les go. Vas-y maigresse, dis les taux, on vit sans voir, se rétrécit les taux. Et ne compte pas trop sur les tailles, si les gens se font sur le tas, sur ce que t'as. Quand les allocs, elles se comptent sur les doigts. Il est temps d'entendre les sages, je suis venu gueuler sur les toits. Mais toi connard et ton jet d'eau, dis-moi tu pensais purger quoi. En limitant les fautes, tous en y mettant l'effort. Jamais en imitant les faux, ni en IO. Mettant les formes, MC Kilimanjaro. J'arrive en militant mes causes. À la demande j'arrose et les civils quand applaudent. Style macrophonique, astronomique. Toujours pisse les gars passent. Du mic au brolique, yo argophonique. Mon arc au stoïque flow préhistorique qui rend sarcostoïque. Style macrophonique, astronomique. Toujours pisse les gars passent. Du mic au brolique, yo argophonique. Mon arc au stoïque flow préhistorique qui rend sarcostoïque. Ils se croient en croissade alors que ça vaut par les casse. Quand la morale, Ronald Reagan fait sa prise d'âge au Vatican. J'en ai même l'estomac qui plane. Des mains des McDonald's, des man en T-Rex, Taliban et man. C'est toujours le dollar qui gagne, explosif. Comme un mix Zippo, Jerrican. Oncle Sam a tué Tom et dans la vraie vie Jerrican. Dehors des accros de Marie-Jeanne, attendant Calio Marican. Se prennent pour sage pour Dan et Dan. Yo man, même ton dit Jerrican. Je fais le constat, cet hexagone. Bouger Sarko, cet ex-echo. Et cet hexagone, is d'hexagone. Est-ce qu'on est constable pour du Texaco? T'es prévenu, si t'es pas le best à l'aube, c'est l'escalade. Et le premier venu, best à go. Si tu baisses la garde, j'arrive pour des fourrailles. Sortez les gouttes, là des fourreaux. Son couteau quand je débroussaille et je retaille la langue à Rousseau. Dito Twisto, Style, j'ai mis une gousse d'ail dans le gâteau. J'soigne les kistos sky et mets les deux pieds dans le plateau. Style macrophonique, astronomique. Toujours pris les gars passent. Du mic au brolique, yo argophonique. Mon arc au stoïque flow préhistorique qui rend sarcostoïque. Style macrophonique, astronomique. Toujours pris les gars passent. Du mic au brolique, yo argophonique. Mon arc au stoïque flow préhistorique qui rend sarcostoïque. Je taffe en armature, assure, perd en la matière, à terre, acquiert une armature, à faire tomber les armataires. Matador, du rap armateur et auquel tout prend la madère. J'enterre les amateurs, immatures, dont les armataires, je perds depuis des amateurs. Rimeur au flot canadaire, chasseur, dans ce rap désert, ou dromadaire et nomadaire. Marie m'édore, ma team énorme, je les fausses affaires, mais la ferme dehors. Mon armada m'adore, je taffe à la mort jusqu'à ma terre, je fais mes affaires à mon niveau. Pas moyen de baisser les bras, je sors des mots du niveau de pivot. Mon flow, une flambée cérébrale. Accélère et délaisse les scélérales, les SM sans palper le Beretta. Fais de l'opposte comme un pivot quand il faut péter l'état. Corde vocale du caniveau, armée d'un flow qui blesse et tape. Rappelle-toi le blast, c'est Nick Faux, c'est fait sans fesses, il est étape. Ambiance sur le système estivo pour plaire à tous mes sélectas. Un seul de mes textes équivaut à tèche tous les sélectas. Style macrophonique, astronomique. Toujours pris les gars passent. Du mic au brolique, yo argophonique. Mon arc au stoïque flow préhistorique qui rend sarcostoïque. Style macrophonique, astronomique. Toujours pis où les gars passent. Du mic au brolique, yo argophonique. Mon arc au stoïque flow préhistorique qui rend sarcostoïque. Style macrophonique, astronomique. Toujours pis où les gars passent. Du mic au brolique, yo argophonique. Mon arc au stoïque flow préhistorique qui rend sarcostoïque. Style macrophonique, astronomique. Toujours pis où les gars passent. Du mic au brolique, yo argophonique. Mon arc au stoïque flow préhistorique qui rend sarcostoïque.